mais qui ne veut pas briller. Mais qui ne veut pas briller. Avant sur nous à rier. Avant sur nous à rier. Je serai plus fort qu'hier. Je serai plus fort qu'hier. Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Aujourd'hui là je suis motivé. J'écris mon texte et tu vas kiffer. Quand tu dis normalement tu fais. Ne pleure pas normalement tous paix. Je me mélange pas, je préfère rester dans mon coin. Rigole pas trop, tu vas te prendre mon point. La miss me regarde, sourire en coin. Je fais toucher la béquille sur le rond-point. Étant petit, je voulais conduire un BM. Avec mon Lacoste et mes TN. Mon cœur est trop lourd, ce n'est pas de la vraie haine. Tu me vis sur Facebook, je te vise en réel. Moteur allumé, je me le sens à balle. Je fume sur le calumé, ça me donne la dalle. J'ai les pommes d'amour, je fais pas trop à la salle. Versace en velours, mon doigt, je leur cale. Ça alors, merci pour le bif, c'est la chasse à l'homme. Assume tes actes, ne mets pas de carotte. Fais pas ta salope. J'suis pas chérie, j'ai que mon cœur à t'offrir, ma chérie. Rends pas fou, dans ma tête, où c'est la guerre comme en Syrie. Je m'inspire de ma life, j'vois des trucs de malade. J'm'attends toujours au pire, arrêtez vos salades. Je m'inspire de ma life, j'vois des trucs de malade. J'm'attends toujours au pire. Arrêtez vos salades. Mais qui ne veut pas briller. Avant sur nous à rier. Je serai plus fort qu'hier. Si seulement vous aviez. Mais qui ne veut pas briller. Mais qui ne veut pas briller. Avant sur nous à rier. Avant sur nous à rier. Je serai plus fort qu'hier.